La révolution sumérienne. Le soleil du Moyen-Orient embrasait un ciel sans nuages, cuisait la terre et flétrissait les rares plantes qui avaient poussé après les maigres pluies de printemps. Un vent brûlé soufflait du désert, engendrait des tourbillons de poussière sur la plaine monotone. Deux collines s'élevaient à l'horizon. Aucun arbre, ou presque, n'offrait de refuge contre cette incandescence. Seuls, deux fleuves paresseux, coulant vers le sud, brisaient la monotonie du paysage, pareil à deux rubans bruns dans un néant de même couleur. L'eau attirait un peu de vie. Les oiseaux volaient à tire-d'aile au-dessus des marais où les fleuves étaient sortis de leur lit. Des bancs de poissons agitaient les hauts fonds. Quelques êtres humains vivaient aussi dans des huttes de boue au bord des marais où le sol était humide. Grattant la terre, ils cultivaient de maigres parcelles et élevaient quelques porcs et quelques vaches qui paissaient dans les marécages. Mais la majeure partie de la plaine somnolait dans cette clarté éblouissante. Telle était la vallée formée par le Tigre et l'Euphrate il y a 9000 ans, datation basée sur notre calendrier. Située au cœur du Moyen-Orient, à plus de 900 kilomètres à l'est de la Méditerranée, cette région semblait condamnée à n'être qu'un éternel désert. Pourtant, 3000 ans après, un paysage étonnamment différent s'offrait au regard. Tout au long de la vallée, de superbes cités s'étendaient le long des rives et autour d'elles. Des champs de céréales ressemblaient à une mer d'abondance à la place de ce qui avait été jadis des plaines désolées. Des bosquets de palmiers dattiers, ondoyant dans le vent, offraient leurs fruits à leur ombre. À l'intérieur des remparts massifs qui formaient l'enceinte des villes, des temples dominaient de toute leur hauteur l'entrelac des rues et la plaine. Au milieu des palais et des riches résidences, dans le lacis des rues bordées de confortables demeures, les habitants se pressaient en foule le long des avenues et sur les places des marchés. Dans des centaines d'échoppes, les artisans fabriquaient des objets de toutes sortes, depuis les poteries jusqu'aux bijoux étincelants, et les jours de fêtes religieuses, des processions de fidèles se dirigeaient vers les temples. Ce qui s'était passé dans cette région que les Grecs appelèrent plus tard la Mésopotamie, entre les fleuves, constitue l'événement crucial de l'histoire humaine, la naissance de la civilisation. Les descendants de ces paysans de l'âge de pierre, auxquels on a donné le nom de Sumériens, ont transformé leur terre apparemment ingrate en une immense corne d'abondance qui a changé la face du monde. À l'époque où la civilisation sumérienne commençait à fleurir, la plupart des habitants de la planète étaient des nomades. Ils se déplaçaient en petits groupes et vivaient de la chasse et de la cueillette. Dans les savanes d'Afrique, les étendues boisées d'Europe, en Australie et dans les Amériques, les hommes s'habillaient de peau de bête et cherchaient refuge dans des grottes ou des abris rudimentaires. Leur migration saisonnière les maintenait à proximité immédiate des troupeaux d'animaux sauvages et ils consacraient toutes leurs heures de veille à assurer leur survie. Certains peuples avaient toutefois largement dépassé ce stade et les premiers à rompre avec ce mode de vie primitif ont été les peuples du Moyen-Orient. Au cours des millénaires, ils ont appris à domestiquer le mouton et la chèvre, à cultiver le blé et l'orge. C'est ainsi qu'ils ont pu mettre fin à leur errance et se sédentariser. Ces hommes, qui furent les premiers paysans, établirent leur village dès 8500 avant Jésus-Christ, au nord et à l'est de la Mésopotamie, dans des régions vallonnées où les précipitations étaient abondantes. L'agriculture prit un rapide essor, et les paysans inventèrent très vite des techniques d'irrigation afin de n'être plus tributaires des pluies pour cultiver leurs champs. Les cultures irriguées ont assuré la subsistance d'importants groupes humains bien avant l'apparition des premières cités sumériennes dans la plaine de Mésopotamie. La cité biblique de Jéricho, qui était un centre du commerce du sel, se présentait comme une ville florissante au cours du 7e millénaire avant Jésus-Christ, dans le désert proche de l'extrémité nord de la mer Morte. L'eau détournée d'une source arrosait ses champs. De même, à près de 800 km au nord, en Asie mineure, les cultures irriguées ont assuré la subsistance de Satal Uyuk, qui s'était formé 6500 ans environ avant notre ère, près d'un champ d'obsidienne, cette roche dont l'aspect rappelle celui du verre et qui était très prisée pour la fabrication de miroirs, de bijoux et de couteaux. Bien que Jéricho et Satal Uyuk aient fini par compter plusieurs milliers d'habitants, l'avenir demeurait incertain pour cette population qui ne vivait que du rapport d'un seul produit et ne possédait pas les ressources agricoles nécessaires un véritable développement. Ayant accès à deux cours d'eau, les Sumériens furent les promoteurs de l'agriculture irriguée sur une grande échelle. Ils exploitèrent le débit de leurs fleuves, principalement de l'Euphrate, pour cultiver de vastes étendues de déserts alluviales, produisant ainsi un excédent de grains qui dépassait de loin les besoins quotidiens des paysans, ce qui laissa aux Sumériens le loisir d'acquérir de nouvelles techniques et de nouveaux moyens d'assurer leur subsistance. Artisans, négociants, prêtres, scribes et marchands apparurent, soutenus par les efforts des paysans. Un système de gouvernement vit le jour, de même qu'une religion structurée et un nouvel ordre de classe sociale, autant d'éléments dont on reconnaîtrait un jour qu'ils constituent une civilisation. Avec le temps, les Sumériens forgèrent des cités-états, puis une nation. Leurs rois instituèrent un système judiciaire, levèrent des armées et créèrent des réseaux commerciaux, mais les Sumériens inventèrent surtout la première forme d'écriture qui permit de transmettre le savoir sous une forme durable. Les scribes entreprirent de raconter les exploits de leurs rois, créant ainsi l'histoire écrite. Ils furent les premiers à composer des poèmes épiques et les méditations sur le sens de la vie. Pendant les trois siècles où la culture sumérienne fut à l'apogée de sa gloire, les germes de la civilisation se répandirent sur les rives d'autres grands fleuves, le Nil en Égypte, l'Indus dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le fleuve Jaune en Chine. Ces régions virent s'épanouir de brillantes civilisations, mais Sumer les avait toutes précédées. Il avait lancé l'humanité dans une étrange et magnifique aventure dont les exploits resteraient gravés de façon indélébile dans la conscience des hommes. L'interaction remarquable entre l'esprit fertile des Sumériens et leur terre, d'abord stérile puis féconde, donna naissance à des modes de pensée et d'action que l'on peut encore aujourd'hui déceler dans les us et coutumes des peuples. On ignore toujours qui furent les premiers Sumériens, d'où ils vinrent, et à quelle époque ils arrivèrent dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Peuplats de cheveux noirs et à la peau claire, ils étaient probablement originaires d'une région située à l'est ou au nord-est de la Mésopotamie. Leur langue s'apparentait à l'une de celles que l'on parlait près de la mer Caspienne. Il est probable qu'ils arrivèrent dans la vallée vers 1500 avant Jésus-Christ, époque où furent construits dans cette région les premiers villages où l'on pratiquait une agriculture primitive. On sait toutefois que les anciens Sumériens se regroupèrent dans l'extrême sud de la vallée, aux confins des marais, envahis par les roseaux qui couvraient une grande partie du delta, où le Tigre et l'Euphrate se jetaient dans le golfe Persique. Les premiers colons ne tardèrent pas à découvrir que les pluies d'hiver faisaient du désert environnant une terre luxuriante qui serait de nouveau brûlée par le soleil d'été. Le long des rives des fleuves, le sol était l'un des plus fertiles du monde, profond et riche en minéraux, dévalant des montagnes où le Tigre et l'Euphrate prenaient leur source. Dans ces dépôts alluviaux, heureusement exempts des pierres et des souches d'arbres, qui ailleurs faisaient le malheur des paysans, l'orge, le blé et les légumes poussaient facilement. De plus, le sol s'enrichissait souvent d'une nouvelle couche de limon que les crues de printemps laissaient derrière elles et qui pourrait être exploitée d'année en année, de génération en génération, à condition que les jeunes pousses survivent aux étés torrides et secs de la Mésopotamie. Les premiers efforts accomplis par les Sumériens pour irriguer leurs champs furent modestes, se réduisant au transport de l'eau dans des récipients, depuis les fleuves jusqu'aux parcelles cultivées. Plus tard, ils creusèrent d'étroites tranchées dans les digues naturelles qui s'étaient formées au cours des siècles le long des rives, captant ainsi une partie du courant. Ils élevèrent réellement de petits barrages de terre grâce auxquels les eaux furent captées dans des bassins avant de se déverser dans des canaux d'irrigation peu profonds au moyen du chadouf, seau monté sur une longue perche munie d'un contrepoids. Bientôt, ces conduits se multiplièrent dans les champs proches des fleuves. Puis vient le jour où des équipes se mirent à creuser de longs canaux pour acheminer l'eau jusqu'à des champs situés à plusieurs kilomètres des rives. Constatant que leurs champs n'étaient plus faits de la boue molle des digues, mais d'une terre plus dure, les Sumériens inventèrent cet outil rudimentaire, mais d'une importance capitale, l'arère. Auparavant, ils avaient ensemencé en creusant des trous dans le sol à l'aide de bâtons pointus ou de cornes d'animaux. L'arère primitive des Sumériens consistait en une branche recourbée en forme d'arc, qu'un homme tirait et qu'un autre poussait en même temps, la forçant à pénétrer dans le sol et à y creuser un sillon. Puis au cours du quatrième millénaire, les paysans imaginèrent un arrière en cuivre, qu'ils attelèrent à un bœuf, réunissant ainsi en une seule activité ce qui avait été jusqu'alors deux occupations séparées, la culture et l'élevage. Vers l'an 3000, avant notre ère, ils utilisèrent un instrument plus résistant fait de bronze, c'est-à-dire d'un alliage de cuivre et d'étain, qui leur permit de cultiver de plus grandes surfaces. Avec le développement de l'agriculture, la construction de canaux et de digues exigea les efforts de nombreux ouvriers et une coopération jusque-là inconnue de tous les membres de la communauté. Avant Sumer, la famille ou le clan était l'unité de travail traditionnelle des éleveurs nomades et des premiers agriculteurs. Mais les familles ou les clans ne pouvaient par leurs propres moyens creuser et entretenir des réseaux complexes d'irrigation. Les paysans durent se grouper et accepter que leur allégeance s'étendit au village, à la ville et finalement à la cité. L'émergence de communautés de plus en plus larges produisit à Sumer, comme ce fut le cas plus tard dans d'autres sociétés, cette interaction et cette innovation qui donnèrent naissance à la vie civilisée. Dans le même temps, l'ampleur de leurs projets d'irrigation amena les Sumériens à se spécialiser, à évoluer vers la division du travail qu'ont adopté toutes les civilisations. Les récoltes furent si abondantes que les Sumériens n'étaient plus tous obligés de pratiquer l'agriculture. Des gestionnaires ou des administrateurs furent désignés pour dresser les plans des canaux et des digues et veiller à ce que les eaux soient correctement dirigées. Ces spécialistes mirent au point une nouvelle technologie, des instruments servant à mesurer et à étudier les pentes et les débits. Les premiers gestionnaires participèrent aussi très probablement à la conception du nouvel arrière fait avec les métaux provenant des zones montagneuses riches en minerais. Jusqu'alors, les Sumériens avaient dû acheter tous leurs métaux dans des régions éloignées, le terreau de la plaine du Tigre et de l'Euphrate ne renfermant aucun dépôt de cuivre, d'étain ou de fer. Les succès de leur agriculture révolutionnaire les orientèrent également vers l'astronomie. Grâce à l'observation de la corrélation des mouvements du soleil et de la lune, ils purent se doter d'un calendrier fiable. Celui qu'ils adoptèrent et qui était basé sur des mois lunaires de 28 jours prédisait très exactement le début des saisons et rappelait aux paysans à quel moment ils devaient semer et récolter. Il faut aussi sans doute porter au crédit du génie des Sumériens l'une des plus grandes inventions, celle de la roue. Il semble que la roue ait été employée d'abord par les potiers. Ceux-ci jetaient un morceau de terre glaise sur un plateau horizontal, placé en équilibre sur un essieu, puis le faisaient tourner pour donner à l'argile une forme ronde. Les Sumériens furent les premiers à poser la roue du potier verticalement et à s'en servir comme moyen de locomotion. Elle permit aux paysans d'aller travailler la terre loin de son village ou de sa ville. Un bœuf ou un âne attelé à une charrette à roues pouvait tirer trois fois le poids qu'il aurait dû porter sur son dos ou tirer sur un traîneau plat. Tandis que des spécialistes travaillaient au progrès de l'agriculture, d'autres se consacraient aux questions spirituelles. Un clergé de plus en plus nombreux élabora une cosmologie qui expliquait tous les aspects du monde naturel et humain. La religion sumérienne devint si puissante qu'elle dura 3000 ans et exerça une profonde influence sur tous les peuples qui se succédèrent en Mésopotamie après le déclin de Sumer. Cette religion devait une partie de sa force à l'extrême diversité de ses dieux. Le panthéon sumérien ne contenait pas moins de 3000 divinités. Chaque aspect, ou presque, de la nature et de l'entreprise humaine était placé sous le patronage d'un dieu ou d'une déesse. La pluie, le soleil, la lune, la végétation avaient chacun sa propre divinité. Il en était de même pour des projets prosaïques comme l'arrière et le moulabrique. Chaque communauté avait en outre son dieu particulier que le sort lui avait assigné, affirmaient les prêtres, le jour de la naissance du monde. Les dieux n'étaient pas tous égaux. Quatre d'entre eux contrôlaient ce que les Sumériens tenaient pour les quatre grands éléments de la nature, le ciel, l'air, la terre et l'eau. De ces quatre divinités, il y en avait toujours une qui dominait toutes les autres. Au début, ce fut An, le maître des cieux, puis Enlil, le dieu de l'air. Tous les dieux sumériens, grands ou petits, mangeaient, buvaient, aimaient, se mariaient et se querellaient comme les humains. Ils communiquaient aussi leurs désirs à la race humaine par l'intermédiaire des prêtres et des prêtresses qui lisaient leurs présages, par exemple dans la forme du foie d'un mouton immolé. Ce n'était pas une religion particulièrement optimiste. Selon un mythe sumérien, l'homme n'avait été moulé dans l'argile par les dieux que pour leur servir d'esclave. Tout manquement à la révérence ou à l'exécution des rites propitiatoires était susceptible d'entraîner des catastrophes, inondations, sécheresses, pestes ou razzias par des tribus descendues des montagnes. De telles calamités s'abattirent effectivement à maintes reprises sur les Sumériens, et la peur engendra dans la population de la plaine un état d'anxiété permanent, dont les prêtres et leurs temples bénéficièrent largement. Les offrandes généreuses au grenier des temples et l'obéissance aux injonctions des prêtres étaient les seuls moyens de se protéger de la colère des dieux. Le temple était l'édifice le plus grandiose des communautés sumériennes. Il était à l'origine de dimensions modestes et consistait en un bâtiment rectangulaire comportant une salle unique et fait de la même brique de boue que les maisons, mais il était généralement construit sur une plateforme qu'il élevait au-dessus des bâtisses voisines. Puis, à mesure que les agglomérations devinrent plus riches et plus populeuses, les temples furent plus vastes et s'élancèrent vers le ciel, adoptant la forme de pyramides à étages connues sous le nom de ziggourats. Les ziggourats sont nés de la reconstruction des temples. Chaque fois que les murs en briques s'effondraient en raison de leur vétusté ou d'un accident, leurs ruines servaient de fondation à un nouveau temple. Ce procédé s'étant répété pendant des siècles, la superposition de bâtiments sur les ruines des autres en vint à ressembler à une succession de marches géantes. Finalement, les architectes sumériens adoptèrent ces structures à étages, s'appliquant à édifier ainsi des temples de plus en plus imposants qui dominaient de leur hauteur la plaine environnante. L'intérieur de ces grandes ziggourats n'était pas moins magnifique. Les artistes sumériens y représentaient leurs concitoyens dans des fresques peintes et de délicates sculptures. Dans ces scènes, la plupart des hommes portaient de longues barbes frisées et de longues chevelures séparées au milieu par une raie. Le torse nu, ils étaient vêtus d'une sorte de jupe serrée à la taille. Les femmes portaient leurs chevelures nattées et enroulées autour de la tête. Elles étaient vêtues d'amples tuniques qui s'agrafaient sur l'épaule et qui laissaient voir le bras droit. À mesure que les temples s'agrandirent, leur zone d'influence s'accrut elle aussi. On leur annexa de vastes domaines, dont une partie était cultivée par les prêtres. Le reste était soit offert à de hautes personnalités publiques en échange de faveurs politiques, soit loué contre une part des récoltes qui, jointe aux dons en nature fournis par les paysans soucieux de plaire à leur dieu tutélaire, conférèrent au clergé un rôle prépondérant dans la vie économique. Le grenier du temple nourrissait les prêtres eux-mêmes et aussi tous ceux qu'ils jugeaient dans le besoin, comme les veuves et les orphelins. La subsistance des habitants du temple était à elle seule difficile à assurer, le collège ecclésiastique ne cessant d'augmenter. Les plus grands temples avaient à la fois un administrateur, à qui revenait la bonne tenue des lieux et des finances, et un grand prêtre ou une grande prêtresse chargée des affaires moins temporelles. Venaient ensuite les prêtres ou prêtresses qui avaient pour tâche d'organiser les offrandes cérémoniales de nourriture et de boissons à la principale divinité du temple et de chanter ses louanges, accompagné parfois d'une musique instrumentale. Mais nous parlons là des commencements. Quand l'économie sumérienne fut très développée, les temples se transformèrent en cités miniatures. Outre les prêtres et autres personnages qui participaient aux rites religieux, ils abritèrent des chorales et des musiciens, ainsi que tout un personnel domestique composé de cuisiniers, de servantes, de tisserands et de balayeurs. Une petite armée d'ouvriers, en majorité des esclaves, travaillaient dur dans les champs et les greniers du temple. Un personnel laïque assurait l'administration des exploitations agricoles du temple. Des artisans locaux l'approvisionnaient en poterie, en meubles, outils de métal et autres marchandises. Les richesses du temple étaient considérables. Peu après l'an 3000 avant Jésus-Christ, par exemple, elles fournissaient à 1200 personnes leur ration quotidienne de pain et de bière. Le marchand ambulant, qui appartenait à notre corps de métier né de la prospérité agricole, n'était guère moins important que le clergé. Il échangeait l'excédent de grains et de laine de Sumer contre les matières premières dont cette terre d'abondance était complètement dépourvue. Les expéditions commerciales utilisaient tous les modes de transport. Pour descendre les fleuves avec leur chargement de bois et de pierre, les négociants venus du nord attachaient ensemble les grumes pour en faire des radeaux, en améliorer la flottaison à l'aide de peaux de bêtes gonflées d'air, puis les charger d'une lourde cargaison de pierres. D'autres conduisaient des caravanes d'ânes à travers la Syrie jusqu'à la côte méditerranéenne et vers l'est, jusque dans les terres des tribus élamites en passant par l'école de la chaîne de Zagros. Ils naviguaient dans le golfe Persique sur de petits voiliers, probablement une autre invention sumérienne, entraient dans la mer Arabique et poussaient vers le sud jusqu'à Oman. Parfois, certains d'entre eux faisaient route vers l'est jusqu'à la vallée de l'Indus. Ces marchands intrépides ne rapportaient pas seulement des matières premières, telles que minerais, pierres et bois d'œuvre, mais aussi des objets exotiques comme des peignes en ivoire de la vallée de l'Indus et des perles carnéliennes de l'Élam. Ils faisaient aussi commerce de marchandises moins tangibles mais non moins importantes, celui des idées. Ils élargirent l'horizon des Sumériens en leur rapportant des contes de peuples aux curieuses coutumes, de même qu'ils ouvrirent l'esprit de ces peuples en laissant derrière eux la marque des coutumes sumériennes. Les impératifs de la religion, du commerce et du gouvernement donnèrent naissance à l'accomplissement le plus remarquable de Sumer, l'invention de l'écriture. Les prêtres avaient besoin d'une méthode leur permettant de savoir à tout moment quels paysans avaient apporté leur contribution annuelle d'orge au grenier des temples. Les négociants devaient dresser la liste des denrées exportées. Les administrateurs voulaient tenir les registres des levées de terrain et des activités civiques. Pour conserver ces informations, ils gravaient des marques à l'aide de roseaux pointus dans de petites tablettes d'argile, matière première que Sumer possédait en abondance. Ils travaillaient l'argile lorsqu'elle était humide et molle. Une fois sèche, les marques étaient indélébiles. Ce que les premiers scribes inscrivirent sur les tablettes, c'était des pictogrammes qui représentaient des objets et des créatures de la vie courante, gerbes d'orge, bestiaux, mais aussi des personnes humaines. Les messages transmis par ces pictogrammes étaient pour la plupart simples et faciles à comprendre, traitant de sujets aussi familiers que les quantités de grains qui entraient dans une transaction. Les pictogrammes sumériens dérivent probablement d'un système de représentation encore plus primitif. Dès 8000 avant notre ère, de petits objets d'argile de différentes formes étaient utilisés par les agriculteurs du Moyen-Orient, manifestement pour tenir l'inventaire de leur récolte. Un objet conique, par exemple, pouvait indiquer la quantité d'orge qu'un paysan avait dans son grenier. Beaucoup plus tard, les négociants se servirent de ces objets comme connaissement pour accompagner les marchandises qu'ils achetaient ou vendaient. Ils les plaçaient dans des sphères d'argile creuses et scellées. Le négociant marquait d'un signe numérique cette sphère connue sous le nom de boula pour indiquer combien d'objets elle contenait. Les Sumériens optèrent pour les tablettes d'argile qui remplaçaient avantageusement ce système compliqué. Sur la tablette, il gravait un signe numérique indiquant le volume des marchandises achetées ou vendues. À côté de ce signe, il se contentait de dessiner l'objet pour indiquer le type de produit concerné. Les pictogrammes auxquels aboutit ce procédé allaient avec le temps suivre une évolution d'une extrême importance. Née de la représentation concrète d'objets familiers, l'écriture prit une forme de plus en plus abstraite. Les combinaisons de pictogrammes finirent par traduire certaines idées. L'image d'une bouche proche d'une ligne sinueuse figurant l'eau signifiait l'action de boire. Les scribes sumériens commencèrent alors à faire l'expérience de symboles phonétiques en utilisant une sorte de jeu de mots. Le symbole écrit d'un mot finit par en désigner un autre ayant la même consonance mais un sens différent. Les signes picturaux finirent par représenter des sons et des idées plutôt que des objets concrets. Ce système était si souple qu'avec un vocabulaire écrit de 600 caractères environ, soit moins du tiers de l'ancien langage pictographique, les scribes sumériens purent exprimer par l'écriture pratiquement tout ce qui pouvait être décrit dans leur langue parlée. La forme et le style évoluèrent en même temps que l'écriture. Dans les premières tablettes, les images étaient gravées en colonne verticale à partir du coin supérieur droit. Mais ce système se révéla peu satisfaisant, la main brouillant souvent les signes qu'elle venait de graver. Finalement, les scribes jugèrent plus commode de suivre la méthode qu'allaient adopter ultérieurement les peuples occidentaux, l'écriture horizontale de gauche à droite. Ils abandonnèrent aussi l'outil pointu dont ils se servaient pour écrire et qui, en traversant la surface molle de l'argile, laissaient des bosses et des creux inesthétiques. Vers 2500 avant Jésus-Christ, la pointe de roseau triangulaire pénétrait plus facilement dans l'argile où elle creusait une empreinte bien nette. Les symboles écrits devinrent de plus en plus stylisés et abstraits et de moins en moins semblables aux anciens pictogrammes qui représentaient l'objet nommé. Beaucoup plus tard, on qualifia le système d'écriture sumérien de cunéiforme, du latin qui signifie « en forme de coin ». Limité d'abord au temple et au palais, l'écriture cunéiforme se propagea rapidement dans la société sumérienne, puis s'étendit à d'autres régions. En fait, elle put s'adapter à un grand nombre de langues. Un siècle après la naissance du Christ, une version de cette écriture était encore utilisée en Mésopotamie par les descendants des Sumériens qui parlaient l'acadien. Dans le pays de Sumer, les tablettes cunéiformes étaient utilisées pour consigner les lois. Les chefs militaires se saisirent de ce nouveau moyen de communication pour donner leurs ordres. Les poètes commencèrent à inscrire dans l'argile les anciens mythes et les anciens récits qui n'étaient transmis jusque-là que par des récitants ou par des chantres avec accompagnement de harpe ou de lyre. La littérature sumérienne connut son apogée avec les recueils de ses mythes et de ses contes qu'elle transforma en poèmes épiques, dont le plus célèbre est l'épopée de Gilgamesh, un poème de 3500 vers inspiré de faits réels, le roi Gilgamesh ayant été effectivement l'un des monarques de la cité d'Uruk. Cette épopée et d'autres légendes de la mythologie sumérienne annonçaient les thèmes qu'on retrouvait plus tard dans la Bible et la littérature hellénique. Gilgamesh, comme Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, parcourt le monde et il est sans conteste le premier des grands héros aventuriers de la littérature mondiale. Un autre mythe sumérien présente un personnage qui, à l'instar de Noé, survécut à un déluge. D'autres écrits donnent des conseils pratiques. Une dizaine de tablettes et de fragments d'argile découverts près de la cité de Nippur constituent par exemple le premier almanach du fermier, qui commence par ces mots « Jadis, un paysan donna des instructions à son fils ». Viennent ensuite plus de 100 lignes de conseils sur la façon de réussir dans l'agriculture. Il y est recommandé notamment de protéger les jeunes pousses en adressant une prière à la déesse Ninkilion, qui éloigne des champs les souris et les animaux nuisibles, et de ne pas attendre, à l'époque des moissons, que l'orge ploie sous son propre poids, mais de la couper au moment propice, c'est-à-dire le jour où elle est en pleine force. On peut affirmer avec une quasi-certitude que l'auteur de ce traité n'était pas un paysan. La plupart d'entre eux, comme les autres Sumériens, étant illettrés. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture cunéiforme exigeait de longues années d'études dans l'Iduba, la maison des tablettes, qui fut la plus ancienne école du monde. L'Iduba était une annexe du temple ou du palais royal, destinée à former des scribes. Les frais de scolarité payés par les élèves assuraient la subsistance du directeur de l'école, l'Oumia, expert ou professeur, et celle des enseignants, que l'on désignait sous le nom de grands frères. Les élèves venaient surtout de familles de haut rang et fortunées, et pour autant que l'on sache, il s'agissait uniquement de garçons. Ils fréquentaient les Douba depuis le plus jeune âge jusqu'au début de l'âge adulte. Les premiers cours consistaient à recopier de longues listes de signes et à prendre par cœur ce qu'elles représentaient. L'une de ces listes était faite de noms d'animaux, une autre des parties du corps et une troisième d'objets en bois. Une fois qu'ils pouvaient reproduire de mémoire des centaines de signes, ils passaient à l'étude de la grammaire, puis à la construction de phrases, à la rédaction d'histoires et finalement à celle de contrats et d'autres documents de caractère pratique. Le travail était monotone et la discipline sévère. Un écolier d'une de ces Edouba a écrit qu'il fut fouetté au moins 4 fois en un seul jour pour avoir flâné dans la rue, pour avoir parlé sans autorisation et n'avoir pas imprimé des signes cunéiformes dans l'argile molle avec suffisamment d'habileté pour contenter son grand frère. Si les maîtres étaient prompts à se servir des verges, ils n'étaient cependant pas insensibles à la flatterie et à la corruption. Une histoire écrite par un enseignant anonyme vers l'an 2000 avant Jésus-Christ nous éclaire sur les faiblesses humaines. Un élève, las d'être fouetté par son maître d'école pour diverses infractions à la discipline, demande à son père d'inviter celui-ci à la maison. Le père y consent. On va donc chercher le maître à l'école, on le conduit dans la demeure et on l'installe à la place d'honneur. Le garçon le sert et fait part à son père de tout ce qu'il a appris dans l'art d'écrire sur des tablettes. Le père insiste pour que le maître accepte un vêtement neuf, lui offre un cadeau et met une bague à son doigt. Le maître est à ce point charmé par tant de générosité qu'il en oublie l'inconduite du garçon et les corrections qu'il lui a administrées. « Tu as bien profité de tes leçons, lui dit-il, et tu es devenu un homme de grand savoir. » L'histoire eut un tel succès qu'il en existe une vingtaine de variantes. Les futurs scribes recevaient également un enseignement poussé en mathématiques. Le système de calcul sumérien, qui reposait sur le chiffre 60, avait une utilité pratique, 60 étant divisible par 12 et convenant par conséquent pour la répartition des rations alimentaires et la subdivision de la terre. Les étudiants sumériens affinaient leur aptitude au calcul sexagésimal en se montrant capables de résoudre des problèmes pratiques tels que le calcul des salaires. Le système sumérien a peut-être été le précurseur du système décimal arabe en vigueur aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on en retrouve la trace dans des applications aussi courantes que l'heure de 60 minutes et le cercle de 360 degrés. S'il persévérait dans ses études, malgré les rigueurs de l'Enouba, l'élève s'en trouvait largement récompensé. L'obtention de son diplôme le placerait dans les classes privilégiées de la société sumérienne. Il lui serait possible de travailler dans un temple ou dans la fonction publique comme comptable, secrétaire ou archiviste, ou encore d'obtenir un poste dans le commerce avec l'étranger. Le scribe, frais émoulu de l'école, pouvait même se faire une clientèle privée, être rémunéré pour écrire des lettres et des contrats à la demande de ses clients illettrés. Les tablettes d'argile avaient valeur de documents juridiques dès lors que l'intéressé les avait signés en y imprimant son propre sceau. Ces sceaux étaient des œuvres d'art minuscules, de petits fragments cylindriques de pierre dure dans lesquels étaient gravés des pictogrammes qui identifiaient leurs propriétaires. Tout sumérien adulte, même illettré, avait donc la possibilité d'apposer de façon élégante l'empreinte de son nom. Au cours de sa progression, la civilisation sumérienne subit de profondes mutations. Vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, on dénombrait seulement une dizaine d'agglomérations de plusieurs milliers d'habitants. 5 siècles plus tard, la population de Sumer comptait au total plus de 500 000 âmes et l'on estime que les 4/5 se pressaient en foule vers les villes pour profiter des facilités et des agréments offerts par la vie citadine et pour échapper aux pillards étrangers et aux envahisseurs. Peu à peu, les villes se transformèrent en des entités juridiques de plus en plus importantes, les cités-états, qui englobaient les villages d'agriculteurs situés à leur périphérie. La première de ces cités-états, Uruk, servit de modèle à d'autres cités de l'Antiquité. En l'an 2700 avant Jésus-Christ, Uruk réunissait 76 villages et la ville proprement dite s'étendait sur plus de 400 hectares et comptait près de 50 000 habitants. Pour se protéger de ses ennemis, Uruk était entouré d'un rempart de briques cuites d'environ 10 km de long qui, sous l'ardeur du soleil sumérien, avait l'éclat du cuivre, comme il est dit dans l'épopée de Gilgamesh. Sumer vivait dans un état de guerre permanent, principalement en raison de sa situation géographique. La Mésopotamie n'opposait aucune barrière naturelle à l'invasion des peuples barbares établis sur ses flancs est et ouest. En outre, les différends qui éclataient entre les cités sumériennes elles-mêmes étaient une source de conflits nombreux. À mesure que les cités-états se développaient, les querelles se multipliaient au sujet de leurs frontières communes et de plus en plus fréquemment à propos des problèmes causés par le détournement de l'eau des fleuves pour l'irrigation. Tout nouveau canal creusé en amont diminuait en effet le débit dont pouvaient disposer les villes en aval, étant donné l'importance de l'irrigation, tout ce qui concernait l'eau devenait souvent, au sens propre du terme, une question de vie ou de mort. Cette hostilité permanente entre les villes modifiait aussi le mode de gouvernement. Jusqu'en 2800 environ, avant Jésus-Christ, les affaires des cités-états étaient conduites par un conseil des anciens dont les membres appartenaient à l'aristocratie. En période de crise, comme en temps de guerre, le conseil désignait un chef unique, le lugal, littéralement le grand homme, qui était chargé de diriger la communauté pendant toute la durée du conflit et retournait ensuite en héros vénéré à ses anciennes occupations. Les périodes de paix devenant de plus en plus courtes, le lugal eut tendance à rester plus longtemps au pouvoir et étendre son autorité de chef militaire à tous les domaines de la vie communautaire, supplantant même le conseil des anciens qu'il avait nommé. Le mot lugal devint peu à peu synonyme de roi. Avec le temps, celui-ci prit l'initiative de désigner son successeur. C'est ainsi que naquirent à Sumer diverses dynasties qu'elle régnait plus tard sur les cités-états. Le pouvoir de ses souverains rivalisa bientôt avec celui des temples, mais ils eurent soin d'entretenir des relations cordiales avec le clergé. Même lorsqu'une monarchie était solidement implantée, le roi recherchait le soutien des prêtres. En retour, il était considéré comme le représentant sur terre de la divinité, comme un souverain de droit divin. Le caractère semi-divin du roi d'Ur a été consacré par un certain nombre de rites, dont le plus important avait lieu le premier jour de la nouvelle année. Le roi, à la tête d'une procession solennelle, montait jusqu'au sommet de la principale ziggoura de la ville, où s'accomplissait un mariage symbolique qui l'unissait, en tant que substitut de l'un des dieux, à une prêtresse représentant Inanna, la déesse de la fécondité. Les rois élargirent considérablement le champ d'activité des pouvoirs publics de la cité-état. Ils lancèrent de vastes programmes de travaux publics, tels que la construction de nouveaux canaux et de routes, et l'agrandissement des temples. Certaines cités possédaient même des services postaux rudimentaires. Il fallut créer des administrations, des postes de régisseurs, d'inspecteurs, de collecteurs d'impôts, ainsi que des postes de scribes pour tout consigner par écrit. Des innombrables responsabilités du roi, la promulgation et l'application des lois étaient la plus importante. Avant même que la monarchie ne devînt le régime courant de gouvernement, les particuliers avaient instauré un système d'accords juridiques pratique qui vit le jour au moins dès 2700 avant Jésus-Christ et qui, comme l'écriture cunéiforme, était dicté par les besoins du commerce. Les tablettes de cette époque témoignent des transactions qu'impliquait la vente de terres, de maisons et d'esclaves. La société sumérienne devenant plus complexe, il fallut édicter des lois précises aussi bien pour le commerce que pour les affaires civiles et criminelles. Les rois, en promulguant des codes, répondirent à cette nécessité. Le plus ancien que l'on ait découvert jusqu'à présent date du règne d'Ur-Nammu, souverain de la cité d'Ur, au début du XXIe siècle avant notre ère. Il est sans doute l'œuvre de son fils Shulgi. Des décrets royaux avaient certainement été promulgués plusieurs siècles auparavant. Il n'en reste pas moins que le code d'Ur-Nammu précède d'un millénaire environ ce guide de conduite beaucoup mieux connu que sont les 10 commandements de la Bible. 5 lois seulement du code d'Ur-Nammu sont encore lisibles, car le seul exemplaire qui ait survécu, une tablette d'argile de 10 cm sur 20, gravée des deux côtés, est très endommagée. Sur ces 5 lois, 3 présentent un intérêt particulier, parce qu'elles semblent refléter une philosophie remarquablement éclairée sur le plan judiciaire. À une époque où régnait encore l'antique loi du talion, les lois d'Ur-Nammu prescrivaient des amendes à la place de mutilations ou de châtiments corporels pour punir les blessures infligées à autrui. L'un de ces édits stipule que si un homme a brisé avec une arme les os d'un autre homme, il paiera une minette d'argent. Sumera, semble-t-il, fait preuve d'originalité non seulement en élaborant des codes de loi écrite, mais aussi en leur donnant un caractère humain. Le fonctionnement du système judiciaire se révèle lui aussi très éclairé. Il n'y avait pas de juré, mais l'accusé était jugé par une commission de plusieurs juges, généralement choisis parmi les anciens de la communauté, et les dépositions des témoins avaient lieu sous serment. Le condamné pouvait faire appel du jugement auprès du roi. Outre son rôle sur le plan commercial et en matière de justice pénale, le code juridique régissait l'institution du mariage. Au cours de la cérémonie des noces, un scribe gravait sur une tablette le contrat convenu entre les époux et ceux-ci le signaient en y apposant leur sceau. Le contrat spécifiait notamment les devoirs de chaque conjoint et les pénalités auxquelles l'époux s'exposerait s'il décidait de divorcer. Le mariage était arrangé par les parents, et les fiançailles légalement prononcées lorsque le futur marié faisait un don en argent au père de la fiancée, vestige d'une ancienne coutume selon laquelle l'homme achetait son épouse. Ce don avait valeur d'engagement, et si le jeune homme venait à y manquer, il perdait l'argent qu'il avait versé. Par contre, si la fiancée changeait d'avis, son prétendant pouvait récupérer le double de ce qu'il avait donné. Que les femmes fussent mariées ou célibataires, la loi sumérienne leur conférait plusieurs droits importants, posséder des biens, traiter des affaires et témoigner devant les tribunaux. Mais elles étaient à d'autres égards considérées comme des citoyens de second ordre. La filiation, par exemple, était patrilinéaire, c'est-à-dire que les biens se transmettaient de père en fils Les devoirs du mariage semblaient avoir été unilatéraux. La loi et la coutume autorisaient le mari à prendre une ou plusieurs concubines, à divorcer si sa femme était stérile, voire même à la louer comme esclave pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans, afin de se procurer la somme d'argent nécessaire au remboursement de ses dettes. De tous les textes juridiques de Sumer que l'on possède, le plus remarquable est peut-être gravé sur une tablette qui précède d'environ 200 ans le code d'Ur-Nammu. Ce document raconte une histoire qui éclaire la notion de justice. Il décrit les réformes entreprises vers 2350 avant Jésus-Christ par le roi Uruk-Hagina dans la cité-état de Lagash. Il commence par dénoncer les abus du régime précédent. Les lourds impôts, les lois oppressives imposées à l'origine par la guerre, avaient été maintenus en temps de paix. Les collecteurs d'impôts et les autres fonctionnaires royaux corrompus sévissaient partout. Ils confisquaient les ânes et les moutons des paysans et pénétraient jusque dans les cimetières pour s'emparer du pain et de l'orge que les familles apportaient sur les tombes de leurs parents défunts. Le roi Uruk-Hagina, nous dit cette tablette, changea tout cela. Il congédia les collecteurs d'impôts malhonnêtes et les fonctionnaires corrompus, accorda l'amnistie aux individus injustement emprisonnés et édicta surtout des ordonnances qui protégeaient les citoyens contre toute exploitation éventuelle de la part du gouvernement. Dans le récit de cet auteur inconnu apparaît, pour la première fois dans l'histoire écrite, le mot « liberté ». L'isolement de la monarchie et son caractère autoritaire accentuèrent les différences entre les classes sociales. Au cours du 3e millénaire, 3 groupes sociaux distincts firent leur apparition. En haut de l'échelle se trouvait l'aristocratie, c'est-à-dire le roi et les membres de son gouvernement, le haut clergé, les marchands les plus riches et les propriétaires terriens. Au bas de l'échelle figuraient les esclaves tenus en servitude par les circonstances politiques ou économiques. Entre ces deux extrêmes se répartissait la grande majorité de la population, c'est-à-dire les citoyens libres tels que paysans, pêcheurs, artisans et scribes. Ceux qui occupaient le sommet étaient évidemment ceux qui vivaient le mieux. Les propriétés foncières les plus riches possédaient parfois des domaines de plusieurs centaines d'hectares. Comme les temples, un grand nombre de ces domaines royaux et provinciaux ressemblaient à de petites villes avec leurs ateliers et leurs dortoirs réservés aux artisans et aux esclaves. Les maisons des Sumériens aisés étaient généralement des édifices confortables comportant une dizaine de pièces ou plus. Dans la plupart des demeures, toutes les pièces donnaient sur une cour intérieure par de hauts couloirs voûtés. À l'intérieur, les murs de briques étaient le plus souvent revêtus de boue et blanchis à la chaux. Des nattes de roseaux ou des tapis de laine recouvraient les sols en briques. Certaines maisons comportaient des salles réservées à la prière et munies d'autels en briques. Des niches aménagées dans les murs abritaient des statuettes en argile représentant les divinités tutélaires de la maisonnée. Aucune résidence de l'aristocratie ne pouvait rivaliser avec celle du roi. Les palais des souverains devinrent de plus en plus somptueux, égalant même par leur dimension et leur élégance les ziggourats voisines. Le palais du roi de Marie s'étendait sur plus de 3 hectares et comportait près de 300 pièces. Au milieu de cette splendeur, le Lugal, de son trône placé sur une plateforme surélevée, dirigeait les affaires de l'État, recevait les émissaires d'autres cités-États, prenait plaisir à entendre de la musique jouée à la harpe et à la lyre et des hymnes spécialement composés à sa louange. Les esclaves peinaient dans les palais, les temples et les grands domaines. Certains étaient des citoyens ordinaires punis pour avoir commis quelques délits. D'autres étaient des prisonniers de guerre. En fait, le mot sumérien pour esclave était tiré du terme employé pour désigner l'étranger. La guerre opposant surtout les cités-États entre elles, la plupart des esclaves prisonniers étaient des Sumériens. Un grand nombre d'entre eux entraient volontairement en servitude. Les paysans sans terre, par exemple, se vendaient parfois dans le seul but de se procurer nourriture et logement. La loi autorisait les parents à vendre leurs enfants comme esclaves. Celui qui se trouvait dans une situation financière désespérée pouvait, pour acquitter sa dette, se vendre lui-même et tous les membres de sa famille, animaux inclus, à son créancier pour une période convenue. L'esclave était légalement la propriété du maître qui était libre de le marquer au fer rouge, de le fouetter ou de le châtier d'autre manière, s'il avait par exemple tenté de s'enfuir. Mais il possédait aussi certains droits, comme celui de faire des affaires et d'emprunter de l'argent. S'il épousait une femme libre, tous ses enfants naissaient libres et il ne lui était pas interdit d'acheter sa propre liberté. Le mode de vie de la classe moyenne offrait de multiples aspects. Les artisans qui vivaient dans les palais ou sur de grands domaines en dépendaient pour leur nourriture et leur habillement. Certains vendaient leurs services ou leurs productions ou les troquaient contre d'autres produits et habitaient de modestes maisons basses dans les ruelles sinueuses de la ville. Beaucoup d'autres, en dehors des agriculteurs, possédaient ouvertement un lopin de terre, même s'il ne s'agissait que d'un jardinet. Pour le riche et le pauvre, la nourriture de base était la céréale, parfois le blé, mais surtout l'orge, qui prospérait mieux dans les sols alcalins et salins de Sumer. Le grain d'orge était soit battu et cuit comme du flocon d'avoine, soit réduit en farine et cuit au four pour en faire ce pain sans levain qui se consomme encore dans tout le Moyen-Orient. L'orge servait aussi à la fabrication de la boisson la plus populaire, la bière, ou plutôt l'ale anglaise, car les plantes comme le houblon utilisées pour fabriquer la vraie bière n'ont fait leur apparition que 4000 ans plus tard. Cette bière blonde était brassée et vendue par les femmes dans leur demeure. Une déesse présidait à sa préparation. Elle avait nom Ninkasi, littéralement la dame qui remplit la bouche. Ce nom était tout indiqué. Environ 48% de la production de grains sumériennes finissait dans les cuves des brasseurs. Le simple ouvrier du temple recevait une ration de 2 pintes par jour et les hauts dignitaires avaient droit à 5 fois plus. La masse des citoyens était si friande de cette boisson que les Grecs prétendirent plus tard que Dionysos, pourtant le dieu des libations, s'enfuit de la terre de Sumer. Le régime alimentaire des Sumériens se composait aussi de légumes variés, chiches, lentilles, haricots, oignons et laitues. Il y avait également du poisson en profusion. Les tablettes n'énumèrent pas moins de 50 espèces que l'on pêchait dans le Tigre et l'Euphrate. Dans les rues des cités, à Ur par exemple, les marchands de poissons étaient omniprésents. Certains vendant leurs poissons crus, d'autres les faisant frire pour être consommés sur place. Les vaches et les chèvres étaient élevées pour leur lait, que l'on transformait en fromage, en beurre ou en yaourt. Les riches étaient sans doute les seuls à manger régulièrement de la viande, en particulier du mouton. Peut-être les Sumériens étaient-ils les descendants de bergers nomades, car leur langue possédait plus de 200 mots pour décrire les variétés de moutons. L'un des plus prolifiques pourvoyeurs de nourriture était le palmier dattier. Enraciné sur les rives des fleuves et des canaux d'irrigation, qu'il fût sauvage ou cultivé, il produisait chaque année environ 50 kilos de dattes qui se mangeaient fraîches, séchées ou pressées pour confectionner un épais sirop qui remplaçait le miel comme édulcorant. Le sucre était encore inconnu au Moyen-Orient. Les noyaux avaient leur utilité, broyés, ils servaient à nourrir le bétail, brûlés, ils tenaient lieu de charbon de bois. Pour prendre soin de leur santé, les Sumériens eurent d'abord recours aux remèdes spirituels. Ceux qui tombaient malades s'adressaient généralement à des exorcistes qui chassaient les démons tenus pour responsables de leurs maux. Mais, vers 2500 avant Jésus-Christ, d'autres traitements leur furent proposés. Entre-temps, on avait formé des médecins qui disposaient de toutes sortes de remèdes, dont 15 ont été consignés sur une tablette d'argile. Les ordonnances prescrivent l'usage de composés de produits naturels, plantes et minéraux tels que le sel et le salpêtre. La bière y figure aussi fréquemment, soit comme élément actif, soit pour faciliter l'ingestion des médicaments. Voici l'une des formules conseillées aux médecins. Versez de la bière sur un peu de résine, chauffez le tout au-dessus du feu, mélangez ce liquide à de l'huile de bitume et le donnez à boire aux malades. Malheureusement, la tablette ne dit pas quel mot ce remède et les autres étaient censés guérir ou soulager. Plusieurs des ingrédients énumérés donnent à penser que l'expérience en recommandait l'usage. Le sel, par exemple, est un antiseptique efficace et le salpêtre un bon astringent. 2 des baumes inscrits sur les tablettes sont composés de cendres de soude, probablement alcalines, mélangées à une forte dose de graisse naturelle, préparation qui donnait une substance savonneuse particulièrement efficace contre les infections. Malgré ces remèdes et toute la science des exorcistes, les Sumériens mouraient jeunes. La durée de vie à Sumer ne devait pas dépasser 40 ans en moyenne. Certains faisaient aménager leur sépulture de leur vivant. Dans beaucoup de maisons, un petit caveau de briques construit en sous-sol attendait de recevoir les membres de la famille. Il n'était pas rare que 10 personnes ou plus fussent enterrées dans ce petit mausolée. D'autres Sumériens étaient inhumés dans des cimetières proches des villes. Quel que fût le lieu où le corps était déposé, le rituel demeurait le même. Le mort était enveloppé dans une natte de roseau ou, beaucoup plus rarement placé dans un cercueil de bois ou d'argile. On l'étendait sur le côté et l'on plaçait un bol d'eau entre les mains près de ses lèvres. Quelques objets personnels auxquels il était attaché de son vivant, ses armes, ses outils ou ses bijoux, l'accompagnaient aussi parfois dans la tombe et presque toujours, la famille ajoutait des récipients contenant de la nourriture et de la boisson pour que le défunt puisse s'alimenter pendant son séjour dans l'autre monde et pour éviter qu'un esprit affamé ou assoiffé ne vienne hanter les rues et les chemins. La quantité et la qualité des objets déposés dans les tombes dépendaient de la richesse et de la notoriété du défunt. Les tombes royales de la ville dure étaient de vastes fosses contenant des chambres funéraires en briques et en pierre et construites, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'architecture, selon des formes aussi savantes que celles de l'arche, de la voûte et de la coupole. La chambre funéraire contenait le corps du roi et certains de ses objets personnels, bijoux en céramique, figurines en lapis-lazuli, vases d'or et d'argent et d'autres objets en métal d'un art consommé, comme par exemple des poignards magnifiquement ciselés. Les cryptes royales ne contenaient pas seulement de délicates œuvres d'art, mais aussi, dans certains cas, d'autres personnes humaines. Pendant une brève période de l'histoire sumérienne, la coutume voulut en effet que des membres de la maison royale, soldats, musiciens, dames de compagnie, domestiques par exemple, fussent enterrés vivants dans une fosse située à côté de la chambre mortuaire du monarque. Dans l'une d'elles, on a même retrouvé les corps de 74 personnes qui, probablement sous l'effet d'une drogue, avaient accepté d'y être ensevelies. Elles étaient peut-être censées servir le défunt dans l'au-delà, comme elles l'avaient fait ici-bas. Puis, ce fut la fin de Sumer. Alors même que les habitants de la vallée établissaient les us et coutumes et les institutions qu'ils allaient léguer à l'humanité, ils semaient aussi les germes de leur propre destruction. Le défaut tragique de la civilisation sumérienne a été son incapacité de vivre en paix et de résoudre les cruels conflits qui éclataient entre les cités-états. Pendant une grande partie du troisième millénaire, la plaine située entre les fleuves fut en effet ravagée par la guerre. Alors qu'une langue et une culture commune auraient dû les unir, les habitants de cette région s'entretuaient. La plupart des soldats qui se battaient pour les cités-états semblent avoir été recrutés pour la durée du conflit. Quand la guerre éclatait, les ouvriers de certains métiers, la menuiserie, l'orfèvrerie par exemple, formaient souvent des contingents commandés par leur patron dans la vie civile. Mais d'autres troupes étaient constituées de soldats de métier. Une tablette nous apprend que la maison royale de Sargon, le fondateur d'un empire sémitique et l'un des rois les plus puissants de Sumer, ne comptait pas moins de 5400 hommes, presque tous probablement des soldats de métier, qu'il avait chaque jour à sa table. Le troisième millénaire vit les victoires et les défaites successives des cités de Sumer déchirées par la guerre. Au cours des premiers siècles de ce millénaire, le pouvoir suprême paraît s'être déplacé d'abord vers le sud, de la cité de Kish à celle d'Uruk, puis vers Ur. Après 2500 avant Jésus-Christ, les principaux antagonistes semblent avoir été Lagash, à 50 km environ au nord-est d'Uruk, et Uma, située légèrement plus au nord. Les villes voisines ne cessèrent de se disputer l'accès aux eaux du Tigre par l'irrigation de leurs champs. Les autres cités-états prirent parti soit pour Lagash, soit pour Uma, et formèrent des alliances rivales, élargissant ainsi le champ de leurs querelles qui n'avaient jadis qu'un caractère local. Les fragments qui nous sont parvenus d'une stèle connue sous le nom de stèle des Vautours, un monument de pierre que le roi Eannatum avait fait ériger vers 2450 avant Jésus-Christ à Lagash pour commémorer une victoire sur Uma, nous donnent une idée de ce qu'était la cruauté des affrontements de cette époque. L'une des scènes de ce monument montre le roi nu, vêtu d'une jupe et d'une ample casaque, menant ses troupes au combat. Ses soldats, coiffés de casques de cuivre et armés de piques et de haches, forment une phalange de six rangs serrés protégée à l'avant par une rangée d'hommes portant de grands boucliers rectangulaires. D'autres scènes du monument représentent les lendemains cruels de la bataille, les soldats de Lagash massacrant les prisonniers, tandis que s'envolent des vautours emportant les têtes coupées des vaincus. Le roi Eannatum se vanta d'avoir tué 3600 ennemis et d'avoir enterré 20 monceaux de ses propres morts. Mais bientôt la fortune se retourna, et un atome, qui s'était emparé du pouvoir et régnait sur toute la région de Sumer, perdit la vie au combat et quelques générations plus tard, Vers 2375 avant Jésus-Christ, la cité voisine qu'il avait humiliée prit sa revanche. Le nouveau roi Duma, le Galzangezi, envahit Lagash, massacrant ses habitants et brûlant ses temples, puis plusieurs autres cités importantes, notamment le principal centre religieux de Sumer, avant de subir lui-même une écrasante défaite. Il finit ses jours attaché à un pilori aux portes de Nippur et ceux qu'il avait jadis dominés l'abreuvaient d'injures lorsqu'il venait passer à côté de lui. Le vainqueur de Lugalzagesi, en fait de tout Sumer, fut Sargon le Grand, l'une des figures les plus extraordinaires de son temps. Né vers 2370 avant Jésus-Christ, Sargon n'était pas d'ascendance sumérienne, mais le fils de Sémite. Il appartenait donc à ce peuple qui, venant des déserts de la péninsule arabique, avait pénétré dans la région située entre le Tigre et l'Euphrate. Il s'établit à Sumer et sur les terres situées juste au nord, qui prirent le nom d'Akkad et les Sémites celui d'Akkadien. On ignore le lieu et les circonstances précises de la naissance de Sargon, bien que de nombreuses légendes aient tenté de glorifier son enfance. Selon l'une d'elles, qui rappelle celle de Moïse, la mère de Sargon aurait déposé son enfant, qui était illégitime, dans une corbeille de joncs dont elle ferma l'ouverture avec du bitume et qu'elle confia au destin en la jetant dans l'Euphrate. Un paysan sumérien, qui puisait de l'eau pour irriguer son champ, trouva la corbeille et éleva l'enfant comme son fils. La légende veut qu'après cette humble enfance, Sargon soit devenu le serviteur officiel du roi de Kish, la ville la plus septentrionale de Sumer. Quelle que soit l'authenticité de cette légende, Sargon se lança dans une étonnante série de campagnes militaires. Après avoir réduit à merci Lugalzagesi, il engagea ses phalanges de lanciers et d'archers et ses chariots de guerre tirés par des ânes contre les autres grandes cités de Sumer. Puis, dans un grand mouvement tournant, il s'élança vers l'est pour mater les Élamites rebelles, ensuite vers le nord où il s'empara d'Akkad et du reste de la haute Mésopotamie. De là, il fit route vers l'ouest à travers le désert et étendit ses conquêtes jusqu'à la Méditerranée. Pour la première fois, la Mésopotamie tout entière se trouva unie sous un seul souverain et forma une seule nation. Quelque part, en un lieu situé le long de l'Euphrate en Akkad et qui nous reste inconnu, Sargon construisit une nouvelle capitale appelée Agadé, que de nombreuses tablettes décrivent comme l'une des plus superbes cités du monde antique. De là, il gouverna son nouvel empire avec fougue et imagination pendant plus d'un demi-siècle, déployant ses troupes aux avant-postes stratégiques et affectant des Akkadiens aux positions clés de l'administration des cités-États. Bien que soumis à Akkad, les Sumériens imposèrent leur culture aux conquérants sémites. Les Akkadiens ne leur empruntèrent pas seulement les techniques d'irrigation, mais aussi l'écriture cunéiforme et les divinités de leur panthéon. Partout où il se rendit avec ses phalanges, Sargon sema les germes de la civilisation sumérienne. La dynastie qu'il fonda dura moins d'un siècle et s'éteignit sous l'effet de conflits internes et de l'invasion d'un autre groupe d'agresseurs étrangers. Du mont Zagros au nord-est arrivèrent les Gutis, peuple dont une tablette sumérienne nous dit qu'il était rebelle à toute autorité. Ses envahisseurs mirent à sac Agadé, la capitale, installèrent un pouvoir sans grande consistance dans les plaines septentrionales autour d'Uma et commencèrent à assimiler la culture sumérienne. Les Sumériens, après s'être accommodés de la présence de ces étrangers présomptueux sur leur sol pendant près de 50 ans, réussirent à les chasser par des révoltes successives. Le décor était désormais planté dans les cités de la plaine pour un dernier sursaut d'indépendance politique. Vers 2100 avant Jésus-Christ, le monarque éclairé Ur-Nammu fonda la dernière dynastie sumérienne. Cette dynastie était née sous de mauvais auspices. Ur-Nammu était monté sur le trône par traîtrise après avoir déposé le roi Utu-Egal, héros de la rébellion contre les Gutis, qu'il avait nommé gouverneur d'Ur. Cependant, Ur-Nammu se révéla un chef d'une qualité exceptionnelle. Installé à Ur, ville qui compte à l'époque près de 40 000 habitants, il se refaire l'unité de Sumer par la ruse politique et la force des armes. Outre le code de loi qu'il promulga, il donna au commerce, aux arts et à l'architecture une impulsion nouvelle. Il remit en état les canaux d'irrigation laissés à l'abandon et construisit à Ur la ziggourate la plus grande et la plus magnifique du pays. Une tour de 70 mètres de large à sa base et qui s'élevait à près de 23 mètres au-dessus de la plaine. Urnamu avait aussi fait le nécessaire pour que la postérité fût informée de son œuvre. Chaque brique de la ziggourate portait l'empreinte de son nom. Mais si, à cette époque, Sumer semblait avoir atteint le sommet de sa puissance, les fondations de sa civilisation commençaient à s'ébranler. Son fondement même, l'agriculture, déclinait parce que des siècles d'irrigation avaient fini par diminuer la fertilité du sol où l'eau, en s'évaporant, laissait des dépôts de sel. La production agricole décroissait, les réserves de denrées alimentaires étaient presque épuisées, et Sumer vivait dans l'angoisse. Les cités-états, leurs forces politiques déjà sapées par 1000 ans de querelles et de combats, reprirent le vieux chemin des guerres intestines. La pression des tribus barbares aux frontières se fit dans le même temps de plus en plus forte. Vers 1950 avant Jésus-Christ, ses vieux ennemis de l'Est, les Élamites, profitant de l'affaiblissement de Sumer, envahirent et détruisirent la cité d'Ur. Ils emmenèrent son roi en captivité et renversèrent la dynastie fondée par Ur-Nammu un siècle auparavant. Puis, venant des déserts de l'Ouest, apparut un nouvel ennemi, les Amorites. Nomades sémitiques, éleveurs et bergers, ils avaient paisiblement infiltré Sumer pendant des années, servant même de mercenaires dans les armées des cités-états. Maintenant, ils entraient en grand nombre en Mésopotamie, occupaient toutes les cités et établissaient leur capitale au nord, dans la ville jusqu'alors sans importance de Babylone. Là, tandis que plus au sud, les Sumériens s'entre-déchiraient, ils fondèrent une dynastie. Babylone ne s'était pas particulièrement distinguée avant qu'Amourabi, le sixième de cette lignée de rois, monta sur le trône peu après 1800 avant Jésus-Christ. Son autorité s'étendait seulement sur un rayon de 70 kilomètres autour de la cité, mais avec habileté, courage et une énergie inépuisable, il accomplit de grandes réformes au cours d'un règne remarquable de 42 années. La part la plus connue de l'héritage d'Amourabi est le code de loi qu'il a légué à la postérité sur une stèle de basalte de plus de 2 mètres de haut où s'inscrivent près de 300 arrêts de caractère juridique. Ces arrêts, qui ont trait à des questions d'ordre civil comme les salaires des ouvriers, décrivent les peines auxquelles s'exposent les personnes coupables de délits allant du simple abattage d'un palmier dattier du voisin, sans le consentement de celui-ci, jusqu'au meurtre. Bien qu'influencées de toute évidence par le droit et la coutume des Sumériens, ces peines reflètent aussi la tradition beaucoup plus sévère des Amorites. La question de la femme adultère, par exemple, est traitée sans détour. Si l'épouse d'un homme est surprise étendue auprès d'un autre homme, ils seront tous deux enchaînés et jetés à l'eau. Mais les réalisations d'Amourabi en matière juridique sont peu de choses, si on les compare à ses exploits politiques et militaires. Il noua des alliances qu'il rompait à son gré. Il sut transformer les Amorites en une troupe disciplinée pour les lancer contre les cités-états de Sumer, qui se querellaient entre elles et les conquérir l'une après l'autre. En un mot, Amourabi réussit à faire de Sumer et du nord de la Mésopotamie une seule et même nation. La naissance de l'Empire babylonien marqua la fin de Sumer sur le plan politique, mais non sur le plan culturel. Comme Sargon et les Akkadiens avant eux, Amourabi et les Amorites assimilèrent la civilisation sumérienne dans son ensemble. Lui empruntant pratiquement tout sauf la langue, ils en adoptèrent l'écriture, l'art, la littérature, le système éducatif et même, avec quelques variantes, la religion. Sous l'hégémonie de Babylone, les derniers poètes sumériens, de leur écriture cunéiforme gravée dans l'argile, se répandirent en lamentations sur la mort de leur pays. Mais grâce à leurs écrits, la pensée et les idéaux de Sumer sont restés vivants et ont laissé leur empreinte sur les civilisations futures.